représente tout le monde. Je m'appelle Polo, ce que je kiffe c'est d'aller sur les sites porno, de voir toutes ces femmes se déhancher, bah moi ça me file le barreau. Grandi dans la tour du quartier, devant mon ordinateur, devant mon écran des fois je ris et d'autres fois je pleure. Un jour sur MSN j'ai rencontré une jeune fille de mon âge, très cool, c'est fou ce qu'elle était gentille. On a commencé à bavarder, on a commencé à se tutoyer, on a commencé à s'apprécier et on voulait se rencontrer. Ça a fini par arriver par une belle après-midi. Si mes souvenirs sont exacts, c'était un mercredi. Je rêvais de la voir en vrai, elle est arrivée très vite. Avec mon pote, on voulait lui faire tout ce qu'on voyait sur les sites. Quand elle est repartie, elle a dit qu'on aurait des problèmes. Elle a expliqué à sa mère ce qu'on lui avait fait en tandem. Mes parents m'ont envoyé en maison de redressement. Je m'appelle Polo, en prison pour viol et pourtant que 10 ans. Sous le soleil, banlieue sud de Beyrouth, le Liban a vu naître cet homme qui déroute. La guerre lui a tout pris, c'est fini, il a pas de vie, c'est la grosse déprime et la drogue en prime. Il passe ses journées à glander, à regarder comment évolue le pays sous les bombes et les cris. Tous ces Inch'Allah, lui il y croit pas, il vit avec ses chalas, la poubelle comme repas. Et de l'autre côté de la Méditerranée, cette vendeuse qui travaille à Paris dans un ciné, bientôt 40 ans, toujours pas d'enfant, elle qui rêvait. Et à l'amour en grand, ce qu'elle a connu, c'est les soirées, les plans cul. Mais la dépression guette sa maison. On a tous un chemin, mon frère. Suffit de le prendre en main, mon frère. Stéphanie a 17 piges, contrairement à ses camarades, elle ne fume pas de tige. Le soir, elle rentre chez elle, se met en pige. Stéphanie est bonne à l'école, elle n'a jamais eu d'heure de colle. Toujours vierge, se consacre aux études. À 30 ans, elle émerge. Mais trop tard, c'est devenu une habitude. Réviser, travailler, exercer, stresser, failloter dans sa petite existence au lycée. Pour décomplexer, Stéphanie réussit, mais où elle atterrit, puisqu'elle n'a pas de vie. Maxime a 18 ans, il est converti. À l'héros, son héros, une partie avec son coffret. Il attend un long moment, son dealer. Il attend, ouvre son bras, comme on ouvre son cœur. Ce pique est tellement bon qu'à un certain moment, tout paraît con. Il implore le ciel de lui donner sa dose, sans assumer les séquelles que Dieu lui cause. Il ressent du plaisir, il ressent des sentiments. Il ressent, et son impuissance se descend face au paradis qui chaque seconde l'attend. Maxime est toujours bien servi, tout le monde l'envie. Mais à quoi bon puisqu'il n'a plus de vie. Fly the dragon. Nan nan nan nan.